Vendredi 28 mars 2014, vous écoutez La Vie en BD. Bonjour à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Évidemment, toujours un plaisir de vous retrouver pour parler 9e art, pour parler bande dessinée, illustration, animation. Et beaucoup cette semaine pour parler activités autour de la BD. On est dans le para-BD à fond, si on peut dire. Notamment au fil de l'émission, on aura le temps et l'occasion d'échanger avec le BDiste Francis Desharnais en fin d'émission pour un spectacle qui s'appelle La fièvre des planches, qui va allier bande dessinée, dessin en direct et Swing. Donc ça s'est présenté dans le cadre du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Également dans l'univers du Festival de la BD de Québec, il y a aussi une rencontre qui est prévue le 9 avril prochain à la bibliothèque Gabriel Leroy avec Grégoire Rosinski, donc dessinateur entre autres de la série Torgal, qui est de passage à Québec pour le festival, et Michel Giguère aura l'occasion d'explorer avec lui son œuvre et il explorera avec nous sa préparation et son regard justement sur Rosinski. Donc, ce sera également en deuxième partie d'émission. Dans quelques instants, on aura l'occasion de porter un regard sur un autre événement qui s'en vient. Il s'agit du Nadeshikon, qui a lieu du 4 au 6 avril le prochain. Et on discute cosplay avec la cosplayeuse Geneviève Lahaye. Alors voilà, donc c'est le menu de l'émission de cette semaine. Et sinon, j'en profite également pour vous dire que la semaine prochaine, ben, c'est Radioton à CKRL 89.1, donc une grande campagne de financement dans laquelle la station va chercher votre appui, évidemment, à vous, auditeurs, auditrices. Et ben, c'est possible d'ici là ben, de faire un don pré-Radioton, donc en route vers donc vendredi prochain. Et ben, pour ce qui est de La Vie en BD, on aura le plaisir d'être intégré à la programmation de cet événement, cette grande fête radiophonique. Alors, si jamais vous avez envie de découvrir la BDTech idéale de Francis Desharnais, de Philippe Girard et de Michel Giguère, eh bien, ce sera possible de le faire le dimanche du Radioton, donc le dimanche 6 avril à compter de 13h, dans une émission qui sera enregistrée d'ailleurs devant public. Donc si vous avez envie d'être avec nous, on enregistre ça pas dans le studio habituel, mais dans les bureaux de CKRL qui se métamorphosent en scène pour l'occasion. Alors ben, vous êtes évidemment cordialement invité à cette émission et à l'ensemble des autres de ce Radioton édition 2014. Et pour la programmation du Radioton en lui-même, eh ben, on vous invite à visiter le ckrl.qc.ca. Alors ça, c'est une nouvelle personnelle. Sinon, dans les actualités BD, mention du côté de Tintin. En fait, les projets se multiplient de ce côté avant qu'ils ne tombent dans le domaine public. Alors que Casterman vient de publier La Malédiction de Raspar Capac, donc une version en partie inédite de l'album Les Sept Boules de Cristal, eh bien, son directeur éditorial, Benoît Mouchard, a révélé dans une entrevue accordée au Figaro qu'un album inachevé de Tintin pourrait lui aussi être publié. Donc, il y a discussion présentement. Donc, l'idée, ce serait de publier Tintin et le Thermo Zéro, donc scénarisé par Greg à la demande de Hergé. Cet album a fait l'objet de 4 découpages graphiques successifs à partir de 1958, mais Hergé ne réalisera que le crayonné des 8 premières planches avant d'abandonner le projet. Alors l'idée serait de publier donc le travail qui a été fait, peut-être une version dessinée de l'album. Donc on met ça dans notre pile de dossiers à suivre. Et sinon, petite mention aussi à l'occasion du festival dans l'Angoulême, les éditions Sandawi ont publié les résultats d'une enquête réalisée à propos du financement participatif du crowdfunding en bande dessinée et ont dressé donc le portrait robot, l'Edinote BD moyen du côté de l'Europe. Alors, qui est-il? Il est amateur de bande dessinée averti franco-belge de préférence. C'est un homme de 35 à 49 ans. Donc, du côté de l'Europe, il est principalement et évidemment français ou belge. Et il a découvert, semble-t-il, le crowdfunding depuis moins de 2 ans. Son fonctionnement, au coup de cœur, sans se fixer de budget, en se fiant à sa vision personnelle de la qualité du projet. Et à ce jour, on dit que donc le crowdfunder européen a investi entre 100 et 500 euros avec une limite de 50 euros par projet en général. Alors voilà pour cette petite enquête. Alors là-dessus, on s'en va en musique. Donc la sélection à saveur 8 bits comme à l'habitude qui nous accompagne au fil de l'émission, eh bien ce sera Chris Kaiser avec son album éponyme. On écoute un premier extrait, Batsy Lab. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. On vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous trouver sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Et tel que mentionné en ouverture, on porte un regard sur l'événement Nadeshika. On vous en avait parlé il y a quelques semaines, mais on voulait approfondir un des aspects qui est présent dans l'événement, qui est présent dans d'autres événements du genre également, donc des événements qui s'intéressent à l'univers de la bande dessinée, certes, mais plus dans son volet comics, dans son volet manga. Également l'univers qui est rattaché à ça, donc que ce soit jeux vidéo, animés, etc., etc. Et donc, il y a une activité qui est de plus en plus populaire, qui s'appelle le cosplay. Et pour nous en parler, pour parler un peu de cette passion liée à cette activité, eh bien, on a invité une cosplayeuse qui est présentée dans la biographie sur le site comme étant de niveau maître dans la ville de Québec, dont son surnom celtique Sakura. Elle s'appelle Geneviève Lahaye. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Et évidemment, en fait, on parle de cosplay, donc peut-être pour ceux qui entendent le terme pour la première fois, il y en a peut-être parmi les auditeurs, auditrices. Alors, rappelle-nous, qu'est-ce que c'est le cosplay? En fait, en premier, le cosplay, c'est un mot valise du mot costume et playing. Donc, cosplay, parce que les Japonais aiment ça, mettre deux mots ensemble puis faire d'autres mots. Donc, le cosplay, c'est se costumer en personnage, principalement animé, manga, mais on peut étendre ça aussi aux jeux vidéo, les films, la BD, des costumes originaux, plein d'autres choses comme ça. Et évidemment, tout lecteur de manga, tout joueur de jeux vidéo sait que les costumes dans ce type d'univers-là sont assez particuliers. Si on va chercher dans le comics aussi, donc c'est, j'imagine un peu, à un moment donné, on a une fascination, un intérêt pour le vêtement et on se demande, mais est-ce que ça peut être fait en vrai? Est-ce que ça peut être des vrais vêtements ou juste des délires de programmeurs? Mais oui, c'est ça. Souvent, c'est ça le défi de reproduire en vrai qu'est-ce qui a été fait en dessin. Des fois, c'est complètement loufoque. Tu dis, ça peut pas tenir dans la vraie vie, mais il y a toujours un moyen de faire tenir ça. Puis c'est ça un peu le défi du cosplay. Oui, parce qu'il y a le costume, évidemment. Il y a l'attitude du personnage aussi, j'imagine. Il y a les cheveux, l'apparence physique. Donc, c'est assez global. Là. Ça se limite pas non plus aux vêtements. Oui, ben il y a plusieurs... Je peux dire il y a plusieurs arts dans le cosplay. On pense principalement à la couture, mais il y a aussi la coiffure de perruques. On peut penser à la peinture. Quand on fabrique des armures, fabriquer des armes. Puis là, c'est plein de matériaux qui entrent en compte, du bois, du métal... tout ça, le maquillage aussi, il y a beaucoup de cosplay qui implique des maquillages spéciaux, du body painting, tout ce qui est souliers, etc. Il y en a une foule d'art qui entre en compte. Et nécessairement, chaque pratique technique qui est impliquée là-dedans, ben, vient avec son lot de défis aussi. On n'adapte pas le travail sur les perruques, par exemple, de la même façon qu'on va travailler pour la couture ou pour la ferblanterie, par exemple, si on pousse un peu de ce côté, ou du moins le plastique, puis le travail d'effets spéciaux. Ben exactement. Puis, souvent, chaque cosplayer qui pousse un peu la chose va être un peu spécialisé dans un art ou un autre, puis il va faire ses costumes en fonction de ce qui est bon, là, de ses skills, comme on dit. Et de ce que j'ai lu te concernant, ta spécialité, c'est un peu les coiffures. En fait, tu as été dans le Iron Wig, donc une compétition web et physique, si on peut dire, de création de coiffures. Donc, c'est un peu ta spécialité? Oui, ben en fait, j'ai découvert ça. Au début, je mettais pas de perruque pour mes costumes parce que je me teignais les cheveux. Je me disais ça coûtait moins cher. Mais un moment donné, j'ai essayé, puis j'ai vu que j'aimais ça. Puis j'ai continué là-dedans, puis j'ai découvert que j'avais vraiment des compétences là-dedans. Puis le monde aussi, ils me l'ont dit. Puis c'est ça, le concours Iron Wig, comme t'as dit, c'était l'année dernière. Puis c'est Ardo Wigs, une compagnie de perruques aux États-Unis, qui a lancé ce concours-là. Et puis j'ai envoyé ma candidature. Puis j'ai été retenue parmi les 10 finalistes. En fait, j'étais la seule Canadienne. Tous les autres venaient des États-Unis. Et ça a duré plusieurs mois. Donc, il y avait plusieurs rounds. Des défis qui étaient lancés. Puis il y avait du monde qui était éliminé à chaque fois, etc., etc. Puis finalement, ben, j'ai fini première. J'ai jamais pensé, mais wow! Et pour nous donner en tête un peu le défi, encore là, on se renvoie peut-être au dessin, au jeu, mais les coiffures sont assez surréalistes aussi. On a l'impression qu'ils ont toujours le vent dans les cheveux, ils ont des coupes, les cheveux qui tiennent, qui devraient pas tenir. Donc, comment on attaque, par exemple, une perruque? Donne-nous un exemple un peu du travail qui est impliqué pour réussir à faire une coiffe qui tient puis qui est viable versus le personnage aussi. Ben c'est ça, les personnages, ils ont pas des cheveux qui sont réalisables avec des vrais cheveux la plupart du temps. Donc faut y aller avec des trucs qui ont l'apparence. Donc pour donner du volume, on peut y aller avec du foam, c'est recouvert de fibres et puis tu peux faire n'importe quelle forme qui existe avec ça. Puis des tonnes de spray net, ça c'est quand on se lance dans les perruques, on achète du spray net là, en caisse, là, si tu veux. Puis tout ça, là, c'est vraiment du fake un peu. C'est là. Pratiquement de la sculpture, ouais, à la limite. Oui, c'est ça. On part avec une perruque, puis après ça, comment on peut faire pour que ça soit adéquat, que ça soit représentatif du personnage, ouais, puis que ça tienne par tous les moyens. Oui, oui. Puis des fois, c'est dur comme du rock. c'est vraiment pas une blague. Et on peut voir justement des photos, d'ailleurs, sur ton site celticsakura.com. Oui. Justement, pour peut-être, si on veut figurer un peu le type de travail. Et pour une perruque comme ça, mettons une perruque complexe, là, ça peut représenter combien d'heures de travail, ça, pour ce... Ah, mon Dieu. C'est difficile, je compte pas souvent mon temps. c'est un hobby, c'est une passion, donc ouais, on le calcule sûr, pas. Mais une perruque très complexe, ça peut aller une vingtaine d'heures, peut-être plus, je sais pas trop, là. Puis ça, ajouté au costume, évidemment. Ouais, non, c'est ça, le costume, c'est une autre paire de manches. Et ça, est-ce que tu savais coudre quand t'as choisi de te lancer là-dedans? Est-ce que tu t'es dit, bah, OK, je sais coudre, donc je me lance? Ou au contraire, en fait, je vais apprendre à coudre pour pouvoir faire de... Ben, les seuls cours de couture que j'avais eu, c'était dans les cours d'économie familiale à l'école, puis j'ai commencé de même, là, sans réelle connaissance, puis j'ai appris sur le tas, puis t'apprends sur Internet, les autres te donnent des trucs, puis tout ça, puis sérieusement, aujourd'hui, là, j'en reviens pas, là, t'sais, tout ce que j'ai appris, puis on est beaucoup comme ça là, dans le cosplay, là, il y a pas grand monde, sérieusement, qui ont vraiment pris des cours de couture, là. Tout le monde apprend. Essaye. C'est du essai-erreur. Tu y vas, puis si ça marche pas, ben, tu recommences, puis un moment donné, tu réussis à avoir ce que tu veux. Et j'imagine, en fait, qu'il y a des personnages qui sont un peu des incontournables côté costume. Donc, est-ce qu'on commence un peu par ceux-là parce qu'on sait qu'on peut avoir beaucoup de coups de pouce avant de se lancer un peu plus à l'aveugle dans un costume que les gens n'ont pas encore vraiment beaucoup essayé, ou? Ben, je te dirais qu'en général, les gens qui commencent vont choisir des personnages plus simples, je dirais, sauf peut-être quelques personnes sont un peu plus fofolles. Mais oui, ben il y a des trucs qui sont plus faciles à faire, puis que beaucoup de monde ont fait, donc t'as beaucoup d'images sur Internet, puis tu peux demander aux gens, hey, comment t'as fait ça, tu peux m'expliquer, puis tu sais, c'est un peu la communauté aussi, là, que ça fait penser à ça, c'est une grosse communauté, puis en général, les gens veulent s'aider, là. C'est vraiment, tu fais pas ça tout seul pour toi, tu fais ça avec et pour les autres, là, un peu. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça. Oui, ça passe beaucoup par le web, par les forums, oui. Etc., etc. Oui, ben, il y a un gros site, ben, c'est un peu là que j'ai découvert les conventions, puis tout ça, qui s'appelle cosplay.com. Il est un peu, de ce temps-ci, il y a pas beaucoup de, il se passe pas beaucoup de nouvelles choses sur ce site-là, mais il y a beaucoup de, c'est une photos, puis le forum marche encore beaucoup, là. Et puis ça peut servir de porte d'entrée pour d'autres sites plus spécialisés, peut-être. Oui. Puis encore là, en fait, côté costume, Quel genre de défi, toi, en tant que cosplayeuse, t'aimes essayer de relever? Est-ce que t'es plus du registre défi impossible ou plus du coup de cœur, en fait? OK, je trouve ce costume-là beau, j'aimerais ça essayer de le personnifier, essayer de voir si je suis capable de le faire et de le porter. Ben, en général, j'y vais avec des personnages qui me tiennent à cœur. Ça, c'est vraiment le premier facteur qui me fait cosplayer un personnage. Mais sinon, tu sais, c'est sûr que je vais regarder un peu qu'est-ce que j'ai jamais fait, qu'est-ce que j'aimerais essayer, tu sais, des perruques, peut-être, j'en ai fait pas mal. Ah, tu sais, je fais pas beaucoup d'armes, mettons, puis là, il y a un personnage que j'aime bien qui a une grosse arme, je pourrais essayer de faire ça. Fait que là, ça va plus me tenter des nouveaux défis, dans le fond. Mm-hmm. Ouais, c'est plus, je vais essayer de faire des trucs parce que t'aimes personnifier quelqu'un que t'aimes, là, c'est sûr, si tu connais pas le personnage, puis tu dis, bah oui, son costume, il est cool, mais, tu sais, quand t'as le costume sur le dos, t'es comme, bah ok, tu sais, je suis lui, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Mais t'en sais pas assez pour pouvoir profiter au maximum de l'expérience, dans le fond. Ouais. Parce que le but, c'est de faire le costume et c'est de le porter, c'est de le présenter. Donc, ouais, d'aller justement dans des conventions, d'aller dans des événements, puis d'aller à rencontre d'autres cosplayers qui ont fait aussi leur costume, puis de partager un peu l'expérience, c'est ça? Oui, exactement. Puis souvent, il y a des groupes qui se forment, tu sais, de tel jeu vidéo, ben là, il y a une gang qui fait comme tous les personnages principaux, puis là, ben, tu sais, c'est sûr que c'est cool à voir, là. Ouais, puis ça se transforme des fois en pièce de théâtre spontanée ou semi. En fait, il y a comme une théâtralisation dans certains événements de justement de ces costumes-là, des gens qui les portent. Oui, ben, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui vont un peu plus acter comme leur personnage, tu sais, dans le festival, comme ça. Mais il y a aussi la mascarade, qui est le concours de costumes où les gens vont faire un numéro, puis là, tu sais, ils vont vraiment prendre la peau du personnage pour le concours, là, sur scène. Oui, puis j'ai vu que tu avais participé aussi à avec metteur en scène aussi, dans des histoires case par case ou des choses comme ça, plus théâtrales, non? Oui, ben, moi, j'ai participé, c'est le Con Turnabout, en fait, qui est une pièce de théâtre inspirée de Ace Attorney, Phoenix Wright, les jeux à Nintendo DS. Puis ça, c'est une pièce de théâtre inventée de toutes pièces par ceux qui, ben, mes amis qui l'écrivent, en fait. Mais c'est vraiment cool, là. C'est vraiment une pièce de théâtre, là. Puis on reprend des personnages de Phoenix Wright, mais aussi de d'autres séries qui vont en cours et puis qui plaident leur innocence. Plein de manières, dans le fond, de donner vie au cosplay, oui, qui a été fait pour pas qu'il reste dans le garde-robe, puis que finalement, t'es investi quoi, 50, 60 heures pour le faire, puis qu'après ça... Ah ouais, des fois plus. Souvent plus. Souvent plus. Oui, j'imagine que ça dépend de la complexité du costume. Plus, ouais, on va dans ça, le défi, plus ça peut aller loin. Oui. C'est le pire, le plus dur. Mon Dieu, j'ai déjà passé 200 heures et plus sur un costume. J'en ai déjà fait un qu'il y avait beaucoup de perles, là, tu sais, à coudre à la main. Puis je passais quasiment, j'étais temps plein là-dessus, là, tu sais, 8 heures par jour à coudre. Là, oh, ça va-tu finir? C'est quel personnage? C'était Terra dans Final Fantasy VI, mais version Amano, qui fait des designs un peu plus bizarres, là. Donc, après ça, on choisit, puis on choisit aussi en fonction du casting, tu disais, en fonction de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de vivre, puis une question de casting aussi, j'imagine, il faut que tu choisisses un personnage que tu peux fitter, entre guillemets, si tu me permets l'anglicisme, dans le corps de ce personnage-là, dans le cœur de ce personnage-là, ou... Ben, c'est sûr que, tu sais, on veut tous ressembler plus au personnage, mais tu sais, je dirais qu'en général, ça dépend des gens, tu sais... Il y a des gens qui vont faire ça plus pour le fun, ou tu sais, il y a pas vraiment de normes selon ce que tu dois avoir l'air, là, tu sais, je te dirais, parce que tu sais, c'est drôle, tu me parles de ça, puis c'est vraiment un sujet controversé quasiment, là, dans le cosplay. Tu sais, qu'est-ce que tu dois cosplayer, qu'est-ce que tu dois pas cosplayer selon ta couleur, puis ça, puis tu sais, c'est vraiment, dans le fond, c'est pas tant grave, là, tu sais, c'est tu fais ça pour le fun, on est beaucoup, tu sais, il y a personne qui est payé pour faire ça, puis à part quelques rares personnes chanceuses, mais c'est ça, on fait vraiment ça comme hobby, puis est-ce qu'on aspire à éventuellement professionnaliser ce hobby-là? Est-ce que à dire, bon, OK, je suis rendu à un certain niveau, je commence à gagner des concours pour mes perruques, par exemple, des choses comme ça, donc éventuellement je pourrais peut-être réussir à pousser ça pour être reconnu un peu plus professionnellement, parce que t'es quand même déjà un niveau assez intéressant, je pense, au niveau technique, au niveau de la maîtrise de tes costumes, etc. Ben, je te dirais que c'est très dur de percer dans ce domaine-là. Tu sais, il n'y a pas un gros marché lucratif avec ça. Tu sais, ceux qui font du cosplay professionnel, je pense à Yaya Han ou Marc-Claude Bourbonnais, tu sais, ils vont être et modèles et ils vont avoir leur magasin, tu sais, qui vendent des calendriers, des trucs qu'ils font. Tu sais, c'est pas juste centré sur le cosplay. Fait que, mm-hmm. tu sais, c'est très difficile. Il n'y a pas d'agence de cosplayer. Il n'y a pas de... Fait que c'est plus la reconnaissance du milieu, puis dire, bon, OK, dans notre événement, on a, mettons, tel cosplayer que vous connaissez, vous voyez son travail sur les forums. Ouais. Donc là, il va être là. Donc, c'est plus une reconnaissance par ouais, les pairs. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, on a tous un peu nos idoles. Tu sais, je veux dire, avec le net, c'est gros. On voit plein de photos, puis on se dit, ah, tu sais, j'aime tellement ce qu'elle fait, celle, puis lui, puis wow. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un peu un petit monde, là. Et justement, dans les conventions, j'imagine qu'il y a différentes dynamiques aussi. Bon, il y en a quelques-unes à Québec, dont on a de Chicane, il y a Montréal, il y a Toronto, il y en a aux États-Unis. Est-ce que tu en as fait pas mal aussi pour voir les différentes ambiances, les différents esprits de chacun? Ou? Oui, ben j'essaie d'essayer de sortir. À Toronto, il y avait Anime North, c'est une des plus grosses, ben c'est la plus grosse au Canada, je pense. C'est vraiment gros. c'est pas un public pareil comme j'étais à Costume Con, que ça, c'est plus axé sur le costume. Là, tu vas avoir du monde de 50 ans, 60 ans, puis tu sais, j'arrive là, moi, je fais baisser la moyenne d'âge, c'est très drôle. Mais sinon... À Gatineau, ben, t'sais, y a déjà animé, mais c'est une petite convention. Puis, y a vraiment des publics différents pour chaque, là. Puis c'est le fun à voir. Puis j'imagine qu'on s'adapte un peu en tant que, dans les choix de cosplay qu'on fait, le personnage qu'on va porter dans un événement ou un autre. Oui, ouais, tout à fait. Puis pour Nadeshikan, la fin de semaine prochaine, donc qu'est-ce que tu penses pourrait proposer côté cosplay? Ben, vu que c'est plus une convention côté culturel Japon, je vais plus y aller comme côté manga. Le samedi, je vais porter Arieti de Kirugashi, mais bon. Mais le petit monde des chapardeurs en français. Excusez mon japonais. De Miyazaki, le film. Puis le dimanche, je vais probablement mettre une de mes créations du concours de Iron Wig. Oh. Et donc, avec la mascarade et le reste, donc, tu vas mettre en action aussi les cosplays que tu vas apporter. Oui. Et si on va avoir un peu plus d'informations sur ton travail, justement, sur ton hobby presque professionnel, on pourrait le dire. CelticSakura.com, je le rappelle. Sinon, Nadeshikan, c'est Nadeshikan.ca. Et également, on peut te trouver sur Facebook aussi, je pense, CelticSakura. Oui, j'ai une page Facebook. J'ai aussi une page sur DeviantArt. Puis sur cosplay.com, on peut me trouver sous mon ancien nom, Sakura CC. Geneviève Lahaye, merci beaucoup. Oui, puis j'ai une dernière petite annonce à faire. Vu qu'on est dans la vie en BD, justement, je voulais dire qu'il y a aussi un BDiste qui allait être à Nadeshikan. En fait, il fait un webcomic, c'est Étienne Desilets, de son surnom Dez. Puis c'est ça, il y a une page Facebook, puis il a fait une petite BD en série sur Nadeshikan dans laquelle je me retrouve, donc c'est cocasse. Il y a un lien. Oui. Donc c'est frivolesque, sa BD. Vous pouvez aller voir sur Facebook ou son site. Voilà. Ben, Geneviève, merci. Merci beaucoup. Nous, on repart en musique, toujours ici à La Vie en BD. Et voilà, toujours à la vie en BD, toujours avec quelques extraits de cet album éponyme de Chris Kaiser. Et peut-être quelques petits clins d'œil sur des sorties récentes. On est perpétuellement en mode rattrapage, mais je me dis peut-être après le festival, on va réussir à compléter un peu notre rattrapage de lecture. Petite mention, tiens, enfin un auteur que j'aime beaucoup et qui... par hasard, est également au festival de la bande dessinée, donc Boulet, qui va être de passage à Québec, mais qui a publié tout récemment le 8e tome de sa série de notes, donc intitulé Les 24 heures. Alors évidemment, centré autour de la participation de Boulet à différents défis de 24 heures. Donc l'idée étant de réaliser une bande dessinée de 24 planches, donc avec page couverture et quart de couverture en 24 heures. Donc quand même un bon défi. C'est une idée qui avait été lancée par le bédiste américain Scott McCloud, qui a été mis en place au festival d'Angoulême par Lewis Trondheim. Et Trondheim qui, évidemment, a sollicité Boulet pour y participer assez rapidement. Alors, on imagine un peu l'ambiance de la chose. Donc, c'est vraiment de la création en spontané. Le BDS peut pas se préparer non plus à l'avance puisque les thèmes sont dévoilés le jour même, quelques minutes avant le début, justement, de la période de création. Donc, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup d'intérêt créatif aussi parce que, ben, il y en a qui sont très stimulés, justement, par la création sous pression. Il y a des défis qui sont parfois difficiles, qui viennent ébranler un peu la conception qu'on peut avoir de certaines choses ou les idées préconçues qu'on peut avoir. Et, donc, à l'intérieur du 8e tome des notes de Boulet, eh bien, on explore un peu d'un côté la perspective de l'auteur versus ce type de défi-là, versus la nature des défis qui sont proposés. Et parallèlement, donc ça vient contextualiser la production qui a été faite dans les 24 heures, donc cette participation dont on voit le résultat. Donc 5 bandes dessinées, histoires courtes, bien sélectionnées, en fait, qui montrent, je pense, assez bien la versatilité de Boulet, la versatilité de son travail. Ça donne un résultat qui est très intéressant. J'en dis pas plus parce qu'en même temps, c'est des courtes histoires. Vous avez peut-être vu d'ailleurs sur le web, sur bouletcorp.com. Mais disons que pour ceux qui connaissent l'auteur, ben je pense évidemment que vous êtes déjà convaincus. Pour ceux qui connaissent pas, qui ont envie de le découvrir, ça peut être une porte d'entrée intéressante. Dans la mesure où je trouve qu'on a là l'éventail du type de proposition que Boulet peut faire habituellement. Alors voilà, donc ça c'est le 8e tome des 24 heures. Et sinon, très rapidement, je mentionne aussi un album qui s'appelle l'interview, donc de Manuele Fior. Alors, BD où on se retrouve en 2048, à l'heure où tout le monde se déplace en voiture téléguidée. On se retrouve autour du personnage de Raniero, qui est victime d'un accident en pleine campagne, pris de vertige face à une vision qu'il a de triangles lumineux qui apparaissent dans le ciel. Quelques temps plus tard, ben, sa femme avec qui il est en train de se séparer sont victimes d'un cambriolage. Donc, une vie personnelle très tourmentée, qu'il devient encore plus, une vie professionnelle au fil de laquelle il va faire la rencontre de Dora, une jeune patiente qui voit les extraterrestres, qui semble partager avec lui cette vision de forme géométrique également. Alors, donc, ça va l'amener à des réflexions sur lui-même, des réflexions sur l'avenir de la société, sur l'évolution de cette société-là également. Donc, avec une dose de mystère aussi à travers tout ça, et de questionnement pour le lecteur, ça donne un résultat qui est très intéressant. Il faut dire que Fior avait déjà bien fait parler de lui à Angoulême en 2011 avec 5000 km par seconde. Il avait gagné le fauve du meilleur album. Pour ceux qui avaient aimé, ben il reste donc dans une veine similaire, un peu dans le doux amer, avec un trait maîtrisé, avec un récit maîtrisé entre science-fiction et romance, entre récits personnels et fables sociales. Donc, il réussit à tenir en haleine au fil des pages. Si vous n'avez pas eu l'occasion de mettre la main là-dessus, ça peut valoir la peine. D'ailleurs, le récit est en nomination au prix BDIS Causa de cette année. Alors voilà, pour ces différents clins d'œil, on prend une courte pause, toujours à l'écoute de La Vie en BD au 89.1 CKRL. Ciao à tutti! Ici Marco Cagliari, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'être padrino d'onore, hein, parrain d'honneur du prochain Radioton de CKRL qui se tiendra du 4 au 6 avril. Soyez molto generosi, s'il vous plaît. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte Les Verts. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Télé-Québec, la chaîne de télévision publique du Québec, propose, tout comme CKRL, une programmation unique qui a pour but de refléter la diversité sociale et culturelle du Québec. Elle encourage artistes et artisans dans leurs multiples réalisations. Cette année, Télé-Québec s'associe à nouveau au Radiothon de CKRL pour vous présenter la journée du samedi 5 avril. Ne manquez pas l'équipe des Verts contre-attaque qui seront à l'antenne du Radiothon dès 11h. Le Radiothon de CKRL, un rendez-vous culturel axé sur les découvertes et la création. Répétez après moi le plus rapidement possible. Alerte, Arlette, Alette. Arlette, Alette, Alerte, Arlette, Alette, Arlette, Alette. 20 ans, 20 piastres, c'est plus facile. La campagne annuelle de financement de Premier Acte souligne 20 ans d'activité. Vous êtes invité à vous remémorer le passé et contribuer à son avenir une pièce par année. C'est pas cher pour que ça continue. Contribuez sur campagne20ans.com. 418-694-9656. Les moulets frites sont de retour au Vieux-Port. La cabane offre en effet le moulet frites à volonté en soirée du mercredi au dimanche à prix spécial en mars et avril. Située dans les anciens locaux du Poisson d'Avril, la cabane reprend le flambeau avec un menu qui suit les saisons. Au printemps, c'est le crabe qui sera à l'honneur dès le début de la pêche. L'été, c'est le homard et la folie des lobster rolls ou guédilles au homard. Aussi au menu, steak, poulet grillé et fish and chips. À l'année, c'est les moulets frites à volonté. CKRL présente Caroline and the Stars Above. Au bal du Lézard, le 5 avril. Caroline and the Stars Above. Au bal à 21h. $5 à l'entrée. Soyez les premiers à savourer la nouvelle bière rousse de CKRL. Raymond Poirier toujours avec vous, en route vers 18h30, donc toujours à l'écoute de La Vie en BD. Et je vous rappelle, en fait, pour l'instant, ça a été quand même plus tranquille de ce côté-là, mais je m'y remets dès la semaine prochaine. Alors, sur mon blog personnel, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, pas mal de nouveaux contenus à surveiller de ce côté-là. Et évidemment, si vous voulez plus voir et réentendre les entrevues qu'on a faites au fil des émissions, eh bien, c'est possible de les retrouver donc sur le blog de l'émission elle-même, donc lavieenbd.wordpress.com. Alors voilà, les mentions sont faites, et maintenant je peux accueillir comme il se doit, donc Monsieur Michel Gigard, des Rendez-vous de la BD, ça va bien? Salut Raymond, oui, ça va super bien. Et toi aussi, en fait, j'imagine un peu à mon image, c'est en mode préparation pour le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Grosse rencontre de ton côté, belle rencontre, comme à l'égal des autres que tu nous offres mensuellement. Et autour de laquelle on va mettre la table à l'émission de ce soir. Donc la rencontre, elle est le mercredi 9 avril. C'est un peu la rencontre qui lance le festival aussi en termes événementiels. Alors c'est à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy où tu vas rencontrer Grégoire Rozinski, qui est connu évidemment pour le dessin qu'il fait dans la série Torgal. Et là, comme j'ai l'habitude de passer à ton émission le vendredi qui précède la rencontre, il faut ici vraiment préciser: venez pas mercredi prochain, il y aura personne. C'est dans deux semaines. C'est mercredi le 9. Alors donc ben c'est ça, là, ça, il va y avoir plein d'activités qui vont être prévues tout au long de ce festival là et ben là, ça va être de la grosse visite effectivement avec Rozinski qui, bon, Torgal, c'est un énorme succès, on va en reparler, mais évidemment il a fait toutes sortes de choses. Oui, en fait, ben c'est ça. C'est peut-être pour nous le présenter un peu. Bon, il y a Torgal, en fait, je pense que c'est un peu sa série incontournable. Peut-être, en fait, petit portrait que tu pourrais nous brosser de Grégoire Rozinski. Oui, ben oui, commençons par présenter l'homme avant de parler de sa production. J'ai hâte, en le rencontrant, de lui demander comment on prononce son nom, qui doit valoir 10 000 points au Scrabble, parce qu'il y a plein de Z, et, en tout cas. Mais en tout cas, en français, c'est j'imagine Grégoire. Il est né en 1941 dans le sud-est de la Pologne, donc une culture vraiment, en plus que c'est dans l'est de la Pologne, une culture sûrement très différente de l'Europe occidentale. Et en 1967, après avoir passé 12 années étudié l'art et le dessin en particulier, il finit par obtenir un diplôme en art graphique à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie. Et de 68 à 76, il va publier ses premières BD professionnelles. 76, c'est aussi l'année où il devient directeur artistique d'une revue qui s'appelle Relax, qui est en fait le premier magazine de BD polonais. Et la même année, on le présente à Jean Van Amme. Et il se trouve que cette année-là, encore, il publie une première planche dans un médium occidental d'Europe de l'Ouest, et c'est l'hebdomadaire Tintin. Une planche. On commence modestement. Et ensuite, il va publier aussi dans Spirou et le trombone illustré, mais sous le pseudonyme de Rozek. Et là, moi, j'ai retrouvé ça à la bibliothèque, là, puis on va projeter ça sur écran, mais c'est quelque chose qui s'appelait La croisière fantastique, qui était vraiment fantaisiste et humoristique sur le plan du dessin. Et c'est quelque chose qui tranche un peu avec ce qu'il a fait par après. Et le scénariste signait J.C. Smith le Bénédicte, ça dit rien à personne, sauf que c'est le pseudonyme d'un monsieur qui s'appelle Mythique et qui est connu aujourd'hui comme étant le scénariste de la série Alpha, qui est, elle aussi, très très sérieuse. Donc, ils ont commencé comme ça dans l'humour. En 77, le journal Tintin, finalement, propose les premières planches de Torgal, qui est une collaboration de M. Van Amme en question avec Rosinski. Van Amme au scénario, évidemment. Et c'est dire que de 76 à 82, Rosinski, lui, continue d'habiter à Varsovie, même s'il publie en Belgique et en France, et il envoie de là-bas ses travaux par la poste. Sauf qu'en 82, il y a le général, là, les plus vieux d'entre tes auditeurs peut-être se souviendront de cette époque-là en Pologne, mais c'est le général Jaruzelski qui arrive au pouvoir et qui instaure un régime militaire. Donc, plus question d'envoyer quoi que ce soit par courrier. Et ça met un petit peu un terme. Donc, en fait, Rosinski va profiter d'un visa temporaire pour aller au Festival d'Angoulême et tout de suite après à la Foire du Livre de Bruxelles, et il va en profiter pour ne pas retourner en Pologne. Et quelques mois plus tard, heureusement, grâce à l'aide d'amis belges, peut-on lire, eh bien, sa femme et ses trois enfants vont enfin pouvoir le rejoindre de ce côté-là du mur du rideau de fer. Donc déjà une histoire assez particulière, assez chargée. Là. Ouais, puis c'est quelqu'un dont on... Tu sais, je pense qu'il y a un gros fan club qui suit sa production, mais on connaît peu la vie du bonhomme, en fait. Qui, pour terminer, s'est installé finalement en 89 en Suisse. Donc, il a vécu un petit peu en Belgique, mais là, depuis, il vit en Suisse. Et Rosinski, tu le mentionnais, c'est sa rencontre avec Van Amme qui a un peu démarré beaucoup pour dans l'imaginaire des lecteurs avec cette série que je n'ai de cesse de mentionner depuis que j'ai introduit le sujet de la chronique. Donc, évidemment, Torgal, qui... peut-être, en fait, je pense qu'il faut parler un peu de la série aussi pour bien amener les gens à comprendre l'essence de cette production-là. Est-ce qu'il y a peut-être mener Torgal à se distinguer dans le genre fantasy, dans le genre un peu médiéval, celtique ou nordique c'est et autres. C'est ça, c'est que commencer à dire Torgal s'inscrit dans tel genre, ben en fait tu pars une liste d'épicerie parce que c'est un tas de choses. À ce que tu viens de dire, on peut ajouter aussi la mythologie, parce qu'il y a là-dedans il y a des dieux de la mythologie scandinave. Il y a un petit côté peplum parfois dans certains épisodes, mais il y a aussi des éléments de science-fiction. Il y a des choses qui sont révélées à tout moment, tout au long de cette longue saga, qui a comme structure quelque chose d'assez feuilletonesque, là, tu sais, qui se poursuit d'album en album avec des rebondissements puis des pirouettes narratives qui constamment vont relancer l'intrigue sur plusieurs tomes et avec des personnages secondaires qui, à un moment donné, passent comme ça et vont revenir X albums plus tard, sortis de Dieu sait où. Alors, non, c'est une structure assez... En fait, c'est surprenamment complexe, en fait. Quand on regarde de l'extérieur, on peut se dire « Ah, fou, tu sais ». Mais non, finalement, dès qu'on lit, il y a une construction et on voit qu'il y a un gros travail scénaristique, un bon travail de recherche visuelle aussi. Et c'est d'autant plus complexe qu'il faut dire que Van Amme s'est retiré il y a quelques années. Donc, les derniers albums de la série Torgal sont maintenant scénarisés par Yves Centre. Sauf qu'Yves Centre, avec évidemment la complicité de Rosinski, a lancé des séries satellites avec des personnages secondaires de la série mère Torgal. On est rendu maintenant avec 4 séries Et en fait, ils ont fait ça essentiellement pour répondre à des commentaires des gens qui trouvaient que ça prenait du temps avant d'avoir un nouvel album de Torgal. Mmh. Et là, donc, c'est toute une équipe de deux scénaristes avec plusieurs dessinateurs qui produisent chacun leur série. Et donc, ils alimentent comme ça les lecteurs. Et c'est une série qui a une longévité exceptionnelle et j'imagine qu'il y a des ventes quand même assez intéressantes aussi. Là. Raymond, j'ai quelques chiffres qui viendraient, semble-t-il, carrément des éditions Lombard. J'espère qu'on peut s'y fier. Torgal existe depuis 77, c'est-à-dire que cette série-là en est à sa 37e année. Elle est publiée en 12 langues. La série mère, Torgal, vendrait 400 000 albums par an, évidemment. Et ça, c'est, on cumule tout album confondu, les 34 tomes cumulés, oui. Les tirages pour la série mère, ce sera en moyenne 220 000 exemplaires par titre qui sort. Crise de Val-Nord, 130 000 exemplaires. Louvre, 115 000 exemplaires. Et La Jeunesse de Torgal, 130 000 exemplaires. Donc, ça fait le tour là, de ce qu'on appelle le monde de Torgal, cette espèce de saga très, très élaborée. Là. Et enfin, côté chiffres, ben, on dit que le premier tome de Torgal, en fait, La Magicienne Trahie, à l'époque, avait vendu seulement quelques milliers d'exemplaires et que les ventes auraient vraiment décollé en 1984 avec la chute de Brexarit et la même année, L'Enfant des Étoiles. Et en 99, juste pour donner un exemple, là, la série était à ce moment-là au sommet. Il y a deux albums qui sont sortis cette année-là, Arachnéa et Le Mal Bleu, et il y aurait vendu 870 000 albums de ces deux titres-là cette année-là. Mon Dieu. Fait que il y a des, c'est ça, c'est gros. C'est comme je disais à mes patrons à la bibliothèque en leur disant qu'on allait recevoir Rosinski, là, on a un gros invité. Et Michel, est-ce qu'on fait erreur un peu en limitant Rosinski à Torgal? Je veux dire, il a dessiné autre chose aussi. Non seulement il a dessiné autre chose, mais il dessine plus Torgal de la même manière. C'est intéressant sur les deux plans. Alors, Rosinski, c'est aussi la série science-fiction Hans, scénarisée par André-Paul Duchâteau, qui a paru dans le journal Tintin à partir de 80, puis à partir de 83 en album, donc science-fiction. Ensuite, pour le mensuel à suivre, tu te souviens sûrement que Jean Van Hamme lui avait écrit un scénario qui s'inspire à la fois de 2001, L'Odyssée de l'espace, et du Hobbit de Tolkien, et ça a donné l'album avec la forte pagination, là, Le Grand Pouvoir du Schninkel, qui paraît en 88 chez Casterman, avec un dessin de Rosinski en noir et blanc, où là, on peut vraiment apprécier la finesse et la richesse de son trait fin. Ensuite, Jean Dufaux, un autre scénariste, va écrire pour lui La Complainte et des Landes Perdues, une tétralogie d'héroïque fantasy vaguement celtique, là, qui est publiée chez Dargo entre 93 et 98. Très belle série aussi. Et c'est, ce qui est bien, c'est que c'est une série limitée dans le temps et dans le nombre d'albums. Donc, c'est pas comme Torgal que, ça finit jamais. Qu'on se dit, il va dessiner jusqu'à sa mort et même après, là. Et, en 2001, enfin, Rosinski renoue avec le western qui était, semble-t-il, un genre de prédilection pour lui. Et il va, encore une fois, avec Jean Van Hamme, aller ailleurs. Et western, ben là, c'est encore autre chose pour ce qui est de la longueur du récit, parce que c'est un album autonome. Donc, une aventure qui dure un seul album, peint vraiment dans des tons sépia, là, pour évoquer un petit peu le cinéma noir et blanc. Et tu disais, au niveau du dessin, bon, dans les différentes séries, évidemment, il s'adapte au style, à l'univers proposé. Mm. Puis même dans Torgal, on sent l'évolution, on sent le métier où il se permet une progression, en fait. Ben, à l'instar, par exemple, d'un Herman qui, tout au long de sa longue carrière et de sa grosse production a beaucoup évolué, expérimenté graphiquement parlant. Eh bien, Rosinski va d'abord aller vers un trait de plus en plus fin, à un moment donné, avec des hachures puis un certain nombre d'effets, là. Puis souvent, le trait va devenir tellement fin qu'il va presque un petit peu se perdre dans les couleurs, mais les couleurs demeurent quand même discrètes. Et puis, à un moment donné, ce maître du trait va abandonner le trait et il va peindre ses BD. Donc, il travaille depuis des années en couleur directe. Et chaque case est un tableau peint. C'est sûr que ça perd peut-être en clarté, en netteté des images. Mais quel travail! Il y a plein de cases dans chaque album que tu dis. Ce sont de véritables morceaux de bravoure. Mais quel temps! Donc, quand je disais tout à l'heure que les lecteurs se plaignent un peu que c'est long avant de lire un nouvel album de Torgal, c'est particulièrement vrai depuis que Rosinski les fait en couleur directe. Ça lui prend un temps fou à réaliser un album. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est ce genre de série où il y a plusieurs dynamiques, en fait, côté lecteur, côté lectorat. Un peu tout le monde qui aime la BD a au moins lu un album. Ceux qui ont accroché dans cet univers-là, c'est des profils variés. Je veux dire, moi j'aime beaucoup cette série-là. Je trouve qu'elle a bien vieilli. Il y en a d'autres qui sont du même avis, mais qui n'iront pas du tout le même type de lecture que moi, mais qu'on dirait... Il y a beaucoup de gens qui sont rejoints, si on peut dire, d'une manière ou d'une autre, par Torgal. Oui, parce que Torgal, c'est publié depuis 77, mais c'est encore vivant. Mm-hmm. C'est pas un musée. Il est pas sur le pilote automatique à refaire toujours le même album avec une sauce un petit peu connue, puis une recette qui est répétée, qui fait comme... L'histoire évolue. L'histoire évolue, graphiquement, ça évolue. La famille, d'abord, faut dire que avec Dorib, avec Jean Graton, avec quelques autres auteurs, c'est un auteur de bande dessinée grand public, avec un dessin réaliste, qui a décidé de faire vieillir ses personnages, évidemment, avec l'accord de son scénariste, là, en complicité avec son scénariste. Mais donc, Torgal et Aricia vieillissent, et leur petite famille grandit. Bon, tout ça évolue. Mais moi, j'ai une anecdote, si tu permets, Raymond, pour conclure, c'est que quand j'ai eu la confirmation que Rosinski venait, j'ai envoyé par courriel une invitation particulière à deux de mes proches, à savoir mon plus vieux copain d'enfance que j'ai connu en 1970. J'ai passé mon enfance et mon adolescence et mes jeunes années d'adulte à partager des lectures de bande dessinée avec lui. Et il s'est tellement passionné pour Torgal qu'il a prénommé sa fille aînée Aricia. Et il n'est pas le seul. Je sais qu'en Europe, il y a plein de gens qui font ça. Et l'autre message, ben en fait, j'ai envoyé le même message aussi à ma filleule, qui est d'une autre génération, qui a le même âge qu'Aricia, la fille de mon ami, et qui, elle, par le biais de, on aurait pu dire son parrain, mais finalement, c'est par le biais de son père davantage qu'elle a découvert Torgal. Et elle est devenue une fan invétérée de Torgal, et puis c'est une jeune vingtenaire. Alors, je sais pas s'ils seront là, mais c'est pour te dire qu'on touche un éventail très large de lecteurs. Et évidemment, en fait, ce sera des thèmes, des éléments aussi que tu exploreras au fil de la rencontre. Tu es en train de la préparer, tu continues ta recherche. Ah, là, on est à la radio, oui. C'est rien. Imagine sur écran, j'ai plein d'images puis de planches de Rosinski, ça va être l'enfer. Alors ça, c'est le mercredi 9 avril prochain. Si jamais les gens veulent profiter justement au maximum de la venue de Rosinski à Québec, parce que c'est pas rien que cet auteur, ce monument de la BD vienne à Québec. Alors, c'est l'occasion de le faire, je pense, en allant à la rencontre que tu proposes. Il n'y a pas de réservation, hein, mais arrivez tôt si vous voulez avoir une bonne place. Voilà. Alors, le 9 avril, à 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy, Michel Giguère, merci. Merci, bonsoir. Et nous, on repart en musique, toujours ici au 89.1. Alors ben voilà, donc dernier extrait musical de Chris Kaiser, et on va partir, en fait, du moins dans l'esprit, dans le ton et dans la narration, vers un tout autre style musical, vers l'univers du swing, un spectacle qui sera proposé au Festival de la bande dessinée francophone de Québec le vendredi 11 avril prochain, qui s'appelle La fièvre des planches et qui propose un métissage entre la danse swing et le dessin en direct. Parmi les concepteurs et parmi les artistes qu'on verra évoluer dans ce spectacle, il y a le bédéiste Francis Desharnais. Il est avec nous au bout du fil. Francis, bonjour. Bonjour. Et d'ailleurs, en fait, pour toi, c'est un peu l'union, parenthèse, enfin, on te prend au bout du fil à Montréal quelques heures avant un festival de danse, parce que tu es un amoureux du swing autant que tu es un amoureux de la bande dessinée. Oui, ben c'est ça. C'est une activité que j'ai commencé il y a 2 ans. puis dans laquelle je me suis comme plongé à fond la caisse, on pourrait dire. Puis à un moment donné, ben en discutant avec certains intervenants du festival, on s'est dit que il y aurait peut-être moyen d'essayer de trouver des genres de correspondance entre la danse et puis le dessin. Et donc pour toi, ça s'est imposé assez rapidement l'idée de faire le métissage entre le swing et le dessin? Oui, parce que je pense que en fait le concept, je dirais, de cette union-là, de ce jumelage-là, c'est d'essayer de reproduire ce qui se fait en danse. C'est-à-dire qu'en danse, il y a un cavalier puis une cavalière, ou si on préfère, quelqu'un qui dirige et puis quelqu'un qui suit les indications. Là, je vulgarise très fortement. Là. Ce qui fait que, dans le fond, ce qu'on va essayer de faire pour la pièce des planches, c'est un peu la même, d'avoir un peu la même dynamique, d'avoir une personne, deux dessinateurs, qui, en même temps qu'il va y avoir des danseurs sur la piste, vont essayer de d'imiter un peu cette façon de travailler là. Donc avoir une personne qui suit, une personne qui dirige le dessin, une autre personne qui va suivre. Alors, on est en train justement de pratiquer puis de voir comment tout ça peut se faire, mais jusqu'à maintenant ça marche assez bien. Oui, parce que dans le fond, c'est simplement un rapport de leadership, mais d'avoir en fait aussi, j'imagine, une créativité qui est orientée vers le même axe, vers le même angle, et que cette créativité-là va être animée par le mouvement des danseurs autant que par la musique qui les supporte. Oui, ben c'est ça. Ouais. C'est évidemment aussi, c'est sûr que le rythme va avoir une grande importance là au niveau du dessin. Il va peut-être aussi être question de faire aussi de l'animation. Du dessin animé, parce que la danse c'est quand même du mouvement, donc l'animation se prête très bien, mais ça va surtout être du dessin de l'illustration qui va être qui va être le point important là, du niveau visuel. Et ce qui est important de dire aussi, quand on parle de l'univers du swing, Francis Desharnais, on parle pas seulement non plus que d'un type de mouvement, autant que pas seulement d'un type de musique, donc c'est quelque chose quand même d'assez vaste, là. Ouais, non, en fait, c'est ça, c'est que le swing, c'est un terme qui regroupe plusieurs types de danse, parce que c'est une danse qui a évolué, qui a commencé dans les années, je suis vraiment pas un historien de la danse, là, mais dans le coin des années 20, puis qui s'est modifié avec le charleston, avec l'apparition aussi du rock and roll, le swing s'est modifié à cette période-là, puis même maintenant aujourd'hui, avec les musiques plus contemporaines, le swing s'est aussi adapté là à l'univers, je dirais, de la musique pop avec plus d'électronique, mettons, on va dire. Oui, donc si la musique évolue, mais ça veut dire aussi que on n'abordera pas, par exemple, une tangente du swing, le charleston, de la même façon qu'on va aborder le jive au niveau de la danse, par exemple. Exactement, c'est ça. C'est de voir comment comment le dessin peut démontrer aussi cette évolution là, cette transformation là, plutôt qu'évolution. Oui, puis ça devient quelque chose. En fait, on parlait de l'intérêt justement de ce métissage là, mais reste qu'avec un style musical qui est quand même assez vaste, avec un style de danse qui est quand même assez varié, eh ben nécessairement ça veut dire qu'on peut explorer de manière aussi assez large différents axes thématiques, différents axes visuels, différents rythmes de dessin aussi pour justement les quatre dessinateurs qui vont être au travail ce soir là. Ben oui, parce que c'est ça, c'est un univers qui est assez riche. Comme tu l'as dit, ça couvre une période musicale qui est très vaste, donc ça va inspirer, c'est évident. Et au niveau de la danse, donc c'est la troupe Porto Swing, il va y avoir le groupe Odeur de Swing aussi, donc qui fait du swing de façon années 30, années 40. Il va y avoir aussi quatre dessinateurs, donc il y a toi, il y a JF, Bach, Valmo. Alors, comment se fait, en fait, vous avez commencé le processus de rencontre, donc j'imagine qu'on est encore en train de mettre un peu les bases, de trouver un peu la fondation de ce que ça va donner quand on va arriver au vendredi 11 avril. Donc, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on sent une certaine frénésie aussi autour d'une idée comme celle-là? Oui, ben on a eu nos premières rencontres avec Porto Swing pour justement essayer de voir ça allait être quoi la trame, je dirais, la structure en fait de la soirée. Essayer de trouver les correspondances justement entre le dessin et puis la danse. Parce que c'est sûr qu'il va peut-être y avoir des moments où il va y avoir du dessin et plus de la danse, mais on veut essayer de trouver des façons où la danse va diriger le dessin, et puis inversement, où le dessin peut diriger la danse. Donc, ces discussions-là étaient très, très animées, là, très, très dynamiques. Donc, oui, non, c'est sûr que ça... En tout cas, pour moi qui aime les deux, c'est vraiment quelque chose de très stimulant là, de préparer cet événement-là. Et en même temps, vos spéciaux aussi portent au swing. C'est une troupe de danse professionnelle. Donc, ce qu'on va voir, c'est quand même aussi un swing de très, très haut niveau, là, au niveau de la danse au Musée de la Civilisation. Oui, c'est ça. Ça devrait être... j'ai pas encore la liste complète des danseurs qui vont participer, mais ça devrait être composé là, principalement de professeurs à l'école ou de gens participant dans des troupes qui font des compétitions un peu partout au Québec, au Canada, parfois même aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça va être un niveau de danse qui va être très élevé, très haut. Et peux-tu nous décrire un peu, sans nécessairement dire, bon, c'est certain à 100% qu'on va le voir au spectacle, mais quel genre de mouvement côté danse que le public pourrait voir? Puis peut-être que ça va nous donner déjà aussi des idées de résonance avec le dessin. Donc, c'est quel genre de pas qu'on découvre? Quel genre d'éléments peut-être un peu plus, j'imagine, acrobatiques ou spectaculaires? C'est sûr que une des caractéristiques du swing, là, qui la démarque des autres danses sociales, je dirais, c'est effectivement l'aspect acrobatique. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais c'est pas juste ça non plus. C'est peut-être un univers aussi qu'on a pu voir dans des films, comme par exemple les pas de Charleston ou des pas plus très rapides. C'est une danse qui est quand même assez... qui peut être assez rapide, le swing. Donc, je dirais, bon, c'est dur de décrire des pas comme ça, mais je parle de Split Charleston, c'est qui est peut-être pas mal à la base là du swing, ça peut peut-être donner une idée. Donc, mélange de Charleston et puis d'acrobatie. Oui, puis j'aime bien le point que tu amènes aussi, Francis, c'est une musique qui est déjà accompagnée d'un imaginaire populaire qui est quand même assez riche, là. On parle quand même notamment des années de la Prohibition, des années 30-40. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très présent, j'ai l'impression, dans notre culture, dans notre imaginaire, là. Oui, c'est ça. Que ce soit le Dixieland ou même les Big Band, il y a une bonne partie de la musique populaire qui origine de cette période-là. C'était aussi une des grandes époques du jazz. Donc, ça va être vraiment. Il va y avoir pour tous les goûts, en fait, là. Je pense que tous les éléments vont être réunis là, pour que ça soit une super belle soirée. Et la soirée, justement, commence à 20h. Donc, il y a le volet spectacle. Il y a un volet aussi initiation où on pourra découvrir comment ça marche le swing, comment on le danse. Et il y a une soirée dansante aussi avec DJ, avec projection de planche BD aussi en cours de route. Donc, c'est aussi un événement assez intégrateur, là, je pense qu'on peut dire. Oui, tout à fait. Puis justement, ça va être bien pour les gens qui veulent s'initier. Une des beautés du swing, c'est que ça s'apprend, la base s'apprend relativement facilement. Donc, il y a une personne qui va être à être gênée, là, puis tout le monde va pouvoir s'essayer. Alors, Francis Desharnais, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour en parler un brièvement de ce spectacle dont je rappelle La fièvre des planches, qui est présenté le 11 avril prochain, à compter de 20h. C'est au Musée de la Civilisation. Et Francis, merci. Merci à toi. Salut bien. Bonne soirée. Voilà, donc si on veut avoir un peu plus d'informations sur ce spectacle, évidemment, on vous réfère au fbdfq.com et je sais qu'il y a également un événement Facebook qui circule. Alors voilà, c'est ainsi qu'on termine l'émission de cette semaine. Je vous rappelle, la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission à notre case horaire habituelle. Par contre, pendant le Radioton, on a le plaisir d'être intégré dans la programmation et on sera le dimanche de 13h à 14h30, où on présente justement la bibliothèque idéale, entre autres, de Francis Desharnais, de Philippe Girard et de Michel Giguère. Donc, des suggestions et des idées BD. Et comme c'est Radioton, vous pouvez venir sur place ici à CKRL au 405 3e Avenue pour assister en direct à l'émission et profiter de l'ambiance de cette grande fête radiophonique qu'est le Radioton. Alors voilà, donc c'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et dans quelques instants, c'est la soirée Soul qui débute ensuite le blues ici au 89.1.